si tu veux une belle voiture, faut avoir de l'argent. T'acheter ta nourriture, faut avoir de l'argent. Garantir ton futur, faut avoir de l'argent. Si tu veux pas te prendre un mur, faut avoir de l'argent. Si tu veux aller chasser, faut avoir de l'argent. Au restaurant aller bouffer, faut avoir de l'argent. Pour payer tous tes procès, faut avoir de l'argent. Faire ce que vous voulez, faut avoir de l'argent. Comment faire pour avoir du blé? Faut aller bosser, faut aller bosser. Mais comment faire pour avoir du blé? Faut aller bosser, faut aller bosser. Société de consommation, faut du pognon, on vit dans une société de consommation, faut du pognon, on vit dans une société de consommation, faut du pognon, on vit dans une société de consommation, on veut du pognon, on veut du pognon, de l'argent, du pognon, du fric, du blé, de l'argent, du pognon, du fric, du blé. De l'argent, du pognon, du fric, du blé. De l'argent, du pognon, du fric, du blé.